2 km à pied, ça use les souliers. Wie geht's weiter? Ja, weiß nicht. Ja. Genau, nochmal. 2 km à pied, ça use les souliers.